confrontation in some stupid little town. A black killer killing is the accused in Halloween Town. She's a vampire free. She's got her own style. She's a vampire free. And when she's sick, she wants everyone. Salut à tous et toutes, la tribu. Bienvenue dans la 143e Vampire Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et oui, la tribu, c'est Spike, c'est la 143e, et je vous souhaite une bonne année. Et on va continuer encore comme ça pendant très longtemps. On commencera tout de suite avec Volt in Flamen de Button Todd, c'est sur leur album Révolution, sorti le 13 janvier 2017. On retrouve Kesmich, Fright Odor Todd et Freund, on les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Burn the Witch de Queens of the Stone Age. C'est sur l'album Lullabies to Paralyze, leur quatrième album sorti le 21 mars 2005. On retrouve Tangle Up in Plaid, In My Head. C'est une chanson qui est dans Need for Speed Underground 2 et Broken Box. On écoutera ensuite Sunset Kiss, le nouveau Computer Skill People, c'est sur leur premier EP 3 titres, Healing Breeze, sorti le 13 juin 2018. On retrouve Only the Dead, Sunset Kiss, The Day I Knew, on les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Requiem pour un con de Oberkampf, c'est sur l'album PLC, leur Masters 2018, sorti en 1985. On retrouve Au Présent, N'Observe Plus, Tout Ce Fric. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec Reggae in My Head de Ziggy Marley. C'est sur l'album Wide and Free, sorti le 14 juin 2011. On retrouve Forward to Love, Changes, avec son frère Daniel. Et Assigner, c'est le digne fils de son père. Sie sind gerade angekommen. Schon wieder steht ihr neues Heim in Flammen. Der Traum von Freiheit wurde ihnen genommen. Unsere Welt steht in Flammen. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Écoute les angles, fais le jour pour toi. Il est

Vous êtes toujours dans la 143e Vampire Fix et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter Velt in Flammen de Beton Todd, Burn the Witch de Queens of the Stone Age, Sunset Kiss, le nouveau Computer Skill People. On a eu ensuite Requiem pour un con de Oberkampf et on a fini ce bloc en live avec Reggae in My Head de Ziggy Marley. On continuera cette émission avec I Like Drugs de Steel Panthers. C'est sur l'album Balls Out, leur deuxième album sorti le 28 octobre 2011. On retrouve In the Future, Just Like Tiger Woods et Why Can't You Trust Me, un classique du glam rock. On écoutera ensuite Princess of the Dawn en vinyle de Accept. C'est sur l'album Restless and Wild, leur quatrième album sorti le 2 octobre 1982. On retrouve Fast as the Shark, Heads of the Pack et Demon's Night. On écoutera ensuite une nouveauté, L'Enfer est Intime, le nouveau WD-40. C'est sur l'album La Nuit Après le Déluge, sorti le 15 septembre 2017. On retrouve La Mer des Tourments, La Forêt, Besoin de Personne. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. On écoutera ensuite Don't Wanna Go de The Slakers. C'est sur l'album Close My Eyes, sorti le 9 septembre 2003. On retrouve Old Dogs, Real War et I'll Stay Away. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes. Et on finira ce bloc en live avec un grand classique du grunge de Seattle, A Change Gonna Come, en live des Geats. C'est sur l'album Enter the Conquering Chicken, sorti le 22 mars 1994. On retrouve Gift with Your Head, Seaweed et Drinking Song. Stole all my drugs and my nails. I bought a chronic every week on. I thought I said two. What the fuck's going on? Stop it, man. Fuck. Hey, where's my bong, dude? Fuck. We'll be right back. Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. See you anymore. set you free. Cause I, no, no, I don't want you to go home. No, no, I don't want you to go home. No, I won't see you anymore. No, no, don't wanna go home. I don't wanna go home. Yeah. Vous êtes toujours dans 143e Vampire Freaks et c'est toujours Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter I Like Drug de Steel Panthers, Princess of the Dawn en vinyle de Accept, L'Enfer est Intime, le nouveau WD-40, on a ensuite D'Antoine Ago de The Slakers et on a fini ce bloc avec ce live à moitié live, A Change Gonna Come de The Geats. On continuera cette émission avec un bon reggae, Mother Young Girls de Desmond Dekker, c'est sur l'album This is Desmond Dekker sorti en 1969. On retrouve Sabotage, repris par la suite par Alpha Blondie, Wise Man et Ready Got Soul, un reggae d'anthologie. On écoutera ensuite Louis Louis de The Kinks, c'est sur l'album Kingdom, sorti le 24 novembre 1965. On retrouve Such a Shame, Will Be in the Next Time et I Need You, pareil, un vieux son d'anthologie. On écoutera ensuite Individuality, le nouveau In Red, c'est sur l'album Just About Anything is Possible, sorti le 15 mai 2018. On retrouve To Be, Wendy's Party et Lazy Mountain. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite She's Dead de Tough Darts, c'est sur l'album Tough Darts, sorti en 1978. On retrouve Here Comes Trouble, Head of Never Wills et Fun City. Et ils font plus rien et c'est bien dommage. Et on finira ce bloc en live avec Elixir de Lofofora. C'est sur l'album Monstre Ordinaire, leur 7e album, sorti le 24 octobre 2011. On retrouve Les Évadés, Ma Folie. Yeah, yeah, yeah, yeah, the real life. It's my emballage. It's what I keep my body in. I said this is my shroud, my silver coat, my golden shield. It's got my blood, my bones, my lies and my lists, my time, my bile and my song, my individuality. Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. I situation really pissed me off, but it don't matter now. It don't matter now, 'cause she's dead. Merci les amis, ça fait plaisir. Nous aussi, ça nous fait plaisir de réentendre du bon Lofofor en live. Vous êtes toujours dans la 43e Vampire Fix et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter Mother Young Girl de Desmond Dekker, Louis Louis, le grand classique de Kings, Individuality, le nouveau In Red, She's Dead de Tough Darts, et on a fini ce bloc en live avec Elixir de Lofofora. On continuera cette émission avec un petit bloc de nouveautés. Universal Douleur, le nouveau et même l'exclusivité de Arnaud Futur featuring Emrek. C'est le single d'un album qui sortira courant février-mars, d'après ce que me disait Arnaud Futur. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Midnight, le nouveau Barrel Kick. C'est sur l'album From the Past to the Future, sorti en 2017. On retrouve Lady Ray, Monday Morning et Cops. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, sur le label Primator Crew. On les retrouve sur YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite de tout là-haut le nouveau Helios, c'est sur l'album Reconnexion, leur premier album sorti le 27 septembre 2018. On retrouve Un autre été, Folle Alliée et La Veuve Noire. Ils seront en tournée dans toute la France courant 2019. Je partagerai les dates sur la page Facebook de l'émission. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Pour qui sonne le dub de Dubamix. C'est sur l'album Pour qui sonne le dub, sorti en 2014. On retrouve Liberté 1, Valsin Dub et Le Monde Bouge. Ils tournent partout dans Paris. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec Pavillon 36 des Berruriers Noirs. C'est sur l'album Carnaval des Agités, sorti en 1995. On retrouve Fils 2, Casse-tête Chinois, SOS, etc. Un classique du live et du punk français. Oh. Les sacs de peau sont saturés, mais toujours d'humeur décotée. En Afrique, si t'as pas de blé, on va te laisser digérer. Picore les miettes quand tu piques que ton fric. C'est pris dans les têtes que l'Afrique se vide. Dans les eaux claires d'Indonésie, surtout n'oublie pas d'avouer. Oui, la terre est déréglée, même les poules nous ont laissé. Mille et une victimes que l'océan rejette. Et jouer dans les corps tous les jours de la noblesse. Universelle douleur, excès d'ardeur, toujours à l'air. Universelle douleur. Des larmes, des hommes en sueur. Universelle douleur. Du rouge, des larmes, des hommes en sueur. Le gros site comme de la peur. Rien que du bonheur. Et à la Nouvelle-Orléans, y'a plus personne pour trop pécher. Ne compte pas trop son président, son budget est déjà bouclé. Sans rancune, l'autorité recule, l'austérité aucune. Droite à un nazi est mort dehors. Tchernobyl c'est du passé, pourtant rien n'a vraiment changé. Pour toute cette électricité, n'oubliez pas de remercier. Aux enfers, ces voleurs prolifèrent. Virez-moi ces hautes sphères qui maquillent les preuves d'ingérence. Universelle douleur, excès d'ardeur, toujours à l'heure. Universelle douleur, spectateur du matin. Du rouge, des larmes, des hommes en sueur. Universelle douleur. Du rouge, des larmes, des hommes en sueur. De Milan, tous mes caplas se sont brusquement écroulés dans un terrible fracas, ma télé s'est mise à cramer. Toujours enfumé par le tube cathodique, lobotomisé, la masse est le but de la manip. Des deux taux que j'avais monté, aucune n'a su résister, mon dieu, depuis c'est décidé, jamais t'as venu la fumée. Tous mis à l'honneur, mis à l'amende, mis en montant, oh shit, face au vide, anticipe ta chute. Universelle douleur, excès d'ardeur, toujours l'air. Voilà les anges, voilà les anges. Voilà les anges. Take a stand, start to fight. Vampire Frix, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. C'était la première heure de gloire de la Révolution. C'était la première heure de gloire de la Révolution. Première heure de gloire de la Révolution. Nous n'avions plus besoin du gouvernement, il travail est collectivisé. Et c'est dédié à tous les locataires du pavillon 36 dans le monde contre l'internement psychiatrique arbitraire. Et un porteur casse la lettre, une commotion dans l'arrêt, une de carmine dans notre tête. On les infirmes cherchés, et un porteur est trop chouette. Tu peux prier, tu peux pleurer, il y a des mœurs pour t'écouter. Parle à porteur, je parle à courrier. Parle à porteur, ma tête a explosé. Parle à porteur, tout à l'être tu donnes. Parle à porteur, ta pensée a existé. Chercheur. Le pavillon des oubliés, ça sent la merde et le vomi. Un pauvre calombre autorisé, un dans ses mains et dans sa mise. Un autre chute et collecté, on sait sans on reste abonné. Ou si vous êtes qu'à la vie, car c'est les crimes thérapeutiques. Parlez en portée, comme si ça m'est les caralades. Parlez en portée, je suis un animal. Parlez en portée, électro-cannibal. Parlez en portée, la mort est la brutale. Chercheur. Ce n'est pas en tête. Merci les Bérus, on vient de s'écouter Universal Douleur, la nouveauté et l'exclusivité de Arnaud Futur feat. Amrek. On a eu ensuite Midnight, le nouveau Barrel Kick. On a eu ensuite le nouveau de Tout Là-Haut de Helios. On a eu ensuite Pour qui sonne le dub de Debamix. Et on a fini ce bloc en live avec Pavillon 36 des Berruriers Noirs. On continuera cette émission en live avec London Calling des Clash. C'est sur le live at Shea Stadium, sorti le 6 octobre 2018. Qui a été enregistré à la base le 13 octobre 1982. On retrouve Police on My Back, Tommy Gunn et Rock de Casbah. On écoutera ensuite TikTok, le nouveau Nawak. C'est sur leur premier album, Trop Bien mais Trop Court, sorti le 25 mai 2018. On retrouve Trop Bien, Walking Red et Mise en Bière. Ils sont chez Flower Coast. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes. On écoutera ensuite Yeah Yeah Yeah en live de The Fantastischen Wir. C'est sur l'album Am Spiel, sorti le 2 octobre 2009. On retrouve Der Picknicker, Newsland et Fornica, du bon hip-hop allemand. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Jordan River de Burning Spears. C'est sur l'album Marcus Garvey, son troisième album, sorti le 12 décembre 1975. On retrouve Every Day, Give Me et Red, Gold and Green, un classique du reggae. Et on finira ce bloc en live avec Eye for an Eye de Soulfly. C'est sur l'album Soulfly, sorti en 1998. On retrouve Tribe, Umba Baruma, No Hope, No Fear. Tout doucement, ça glisse dans le grand classique. Leur nouvel album Ritual est une tuerie. Des extraits dans prochaines émissions. Welcome to the Casbah Club. summer, the sun is summer in. Engine stubborn, wheat is good there. Nuclear air, I have no fear. When the is coming and I live by the river. Oh, oh, oh, oh, oh. Now get this. London calling, yes, I was there too. You know what they said, well, some of it was true. London calling, the top of the dial. After all this, won't you give me a smile? London calling, London calling. Well, it felt much like a, like a. Et si l'on parlait d'éthique, il y en a tout un stock. On parle pas de l'éthique qui se fait rare à notre époque, mais d'une syllabe mythologique présente dans la Grèce antique, ponctuant les mots tel un Dijon à la fin de l'apéro. Prenons le statique, le mec immobile non loin du coma, incapable de bouger ne serait-ce que le petit doigt. Il assouvit sa sexualité par le biais de rêves érotiques, où il est un super héros qui fait l'amour en slip. Pratique, me direz-vous, quand on est seul, comme un clic sur Google ou poser la dernière pièce d'un puzzle. Pour lutter contre ça, pas de tactique, on compte les secondes au rythme du tic. Serait-il question de génétique? On a des tas de tic-tic et des tic-et-toc, mais on est sympathique tic quand on a pris nos médocs. Tic-toc, tic et des tic et des tic-et-toc. Priez pour ne pas nous croiser quand on est en rupture de stock. On a des tas de tic-tic et des tic-et-toc, mais on est sympathique tic quand on a pris nos médocs. Tic-toc, tic et des tic et des tic-et-toc. Priez pour ne pas nous croiser quand on est en rupture de stock. On s'enfonce dans les abîmes de notre cerveau qui s'abîme avec enquistes cinématiques, le naufrage du Titanic. Problématique, quand on n'a plus nos cachetons, c'est mathématique, il manque une inconnue à l'équation. Alors on panique, c'est automatique, comme des gosses à la messe et le curé xastique. On perd le contrôle, il nous faut de l'alcool, des produits viticoles ou une dose d'éthanol, une camisole. Car quand on est raide, c'est là que ça devient dangereux. En plus d'être bègue, on est très con et teigneux. Serions-nous psy, cotiques, voire des psy? Copate, après tout, on s'en fout, on prête pas le serment d'Hippocrate. Alors une simple piqûre de mousse, tic, se faire sucer, le sang nous rend pacifique, comme l'océan et son continent de plastique. Un truc en nous grandit sans cesse, notre état devient critique. On a des tas de tic, tic et des tic et toc, mais on est sympathique, tic quand on a pris nos médocs. Tic toc, tic et des tic et des tic et toc. Priez pour ne pas nous croiser quand on est en rupture de stock. On a des tas de tic, tic et des tic et toc, mais on est sympathique, tic quand on a pris nos médocs. Tic toc, tic et des tic et des tic et toc. Priez pour ne pas nous croiser quand on est en rupture de stock. Nos tics et nos tocs nous font trop chier. Pour lutter contre ces trucs, on a donc pris les choses en main. Fini les bêtes et la branlette, c'est un fait, on perd la tête. Mais on a trouvé notre prophète, Gilles de la Tourette. Yeah! bist du cool, dass wir darüber geredet haben. Oh, falsche schwarze Beten an, sonst ist ein Leben lang dieselben Tapeten an. Ding Dong, geh du mal ran, ich kann grad nicht. King Kong, kann ich sein, den kenn ich nicht. Qigong, kann ich aber, kann ich nicht. Lösung, hab ich aber, sag ich nicht. Oh mein Gott, ich glaub, wir schaffen es nicht. Ihr habt keine Ahnung, wie man diesen Kasten hier fliegt. Stopp, halt mal an und dann verlass ich das Schiff. Mach mal halb lang, was passt dir denn nicht? Wir müssen wenden, denn wir steuern auf die Klippen. Bitte was? Lass hier beenden, denn wir stehen auf der Klippe. Ja, ja, hör auf zu flennen, gib mir lieber mal eine Klippe bitte. Und dann verwendlicher zu wippen bitte. This is Larry breaks the trip. Kein scary gangsta shit. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. Roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll, roll to the most high soul flight. I am what I create, believing in my fate. Eternity is my Ah oui, ça part en cacahuète la fin de l'émission. On vient de s'écouter London Calling en live des Clash, TikTok le nouveau Nawak, Yeah Yeah Yeah en live de The Fantastician Veer. On a eu ensuite Jordan River de Burning Spear et on a fini ce bloc en live avec Eye for an Eye, Soul Fly. Cette 143e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. Si vous êtes un groupe que vous souhaitez être diffusé, contactez-moi. Encore merci de m'avoir suivi l'année dernière et de continuer à nous suivre cette année. On finira cette émission avec Take Off Your Clothes de Judge Dredd. C'est sur l'album Big Eight, sorti en 1974. On retrouve The Bell in the Snowland Town, Dredd Law et une reprise de Je t'aime moi non plus de Gainsbourg. Et on finira cette émission donc avec un reggae culte. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Et n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à tous et toutes, la tribu! off your clothes, let me see what it is that you're hiding. And don't look so shocked, you have nothing to fear from my eyes. My daddy is a priest, you know, and I am not a beast, you know. I just want to love. I just want to love. Take off your clothes and stand naked as nature intended. And I'll take off mine just to show you that I'm in good faith. My daddy is a priest, you know, and I am not a beast, you know. I just want to look. I just want to look. Well, now you can see that it isn't as bad as all that. So lie on the bed and I'll talk of my unhappy childhood. My daddy is the Pope, you know, and I just want to grope, you know. I just want to feel. I just want to feel. Well, it will not hurt you, I promise you that, cross my heart. The first time is always the best. You can ask anybody. Ask your mother. My daddy is a priest, you know, and I am not a beast, you know. I just want to feel. I just want to feel. Well, how can you say that I brought you here just for one purpose? There are thousands of girls I could get if I just wanted that. Yes, there are. My daddy is a priest, you know, and I am not a beast, you know. I just want to love. I just want to love. Well, how does it feel now that you are no longer a maiden? What do you mean? You want more? And you want it right now? Oh my God! My daddy is a priest, you know, and I am not a beast, you know. I just want to sleep. I just want to sleep. What? Again? Oh, it's been three times. Christ almighty, what do you think, I am an engine? Oh no. Well, here we go. Viva España.